Toujours pas mieux. Alors on fait de la merde à deux. Demande-leur à eux s'ils ne feraient pas mieux d'aller aux cieux. C'est la devise qui a perdu les yeux. Comme tenait la malice, j'allume un feu. Merde, mais est-ce que je le peux? Mon cerveau est devenu parano un peu peureux. J'enfoncerai un pieu dans le deux, dans de mon cœur pieux. De derrière, ils nous se tapent des queues. Que faisons-nous sous bœuf? Pourtant le manque d'argent nous en donne si peu. Sache que même quand je le veux, je le soulève, c'est un vœu. Dealer de rave parti de greux à gap, on grappe aux grappes de vin. J'attendrai le divin, j'attraperai le devin. Mon devant ne va pas bien, mon devant trop gros pour une main. Merci de rien, j'ai quand même perdu mes deux reins. Au revoir, à demain. De dénis, vous m'excusez, vous êtes bien roulé, mais c'est comme un déjà récupéré. Et elle est beaucoup plus en beauté. Hey. On fait pas l'amour, j'ai envie d'enregistrer. S'il te plaît, fais pas le sou. Tu pris l'habitude de ton appart, la plénitude. Je prends le micro, voici un nouveau morceau. Toi et moi, on est drogués de musique. À côté, on a mes camels et ton shit. Nos soirées, c'est ciné, purée, buzz et chili con carné. Tout ça au cendrier. Déjà une petite vie de couple. On se fait des ambiances, nous on y trouve un sens. On emmerde Marie-France, on se connaît pas de Marie-France. C'est pour la rime, je lance, notre intimité me met en transe. Je veux pas penser aux conséquences, je veux rester dans ta séquence. On se fait des ambiances, nous on y trouve un sens. On emmerde Marie-France, on se connaît pas de Marie-France. C'est pour la rime, je lance, notre intimité me met en transe. Je veux pas penser aux conséquences, je veux rester dans ta séquence. Quand penses-tu nous demande, demande à n'importe qui. En fermant les yeux, je prendrai okay. Le meilleur au lit. Ok, ok, yeah. Là, il en ouais. Demande à tes vieux. Yeah. Ok, yeah.